bienvenue sur Backlist TV pour un nouveau débat qui a pour thème les sociétés secrètes. J'ai à ma gauche Renaud Tomaso, et je vais lui demander tout à l'heure de bien vouloir se présenter. Et à ma droite, Éric Sablé, qui a déjà commis quelques tables rondes ou interventions pour Backlist. Renaud, voulez-vous nous dire quel était votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Parcours est celui d'un historien. Je suis historien chez Larousse et j'ai dirigé l'édition du Larousse des sociétés secrètes qui est apparu en 2007, qui a été réédité depuis. C'est un ouvrage grand public qui se propose de présenter les sociétés secrètes les plus connues à travers les âges, donc depuis le chamanisme ou les sociétés à mystère de l'Antiquité, jusqu'aux sociétés que l'on dit secrètes aujourd'hui, qui sont souvent des sociétés politiques, voire criminelles. Le succès de l'ouvrage, on peut s'en féliciter, a été tel qu'on a par la suite proposé des ouvrages consacrés aux plus célèbres de ces sociétés secrètes, et j'ai moi-même commis l'année dernière un ouvrage consacré à l'Opus Dei. Et on verra ensemble si on peut ranger l'Opus Dei dans les sociétés secrètes, ce dont je ne suis pas sûr. On parlera certainement de sociétés discrètes. Voilà. Alors, il est vrai que dans les sociétés secrètes, nous avons les organisations initiatiques et puis les sociétés secrètes politiques, voire criminelles, vous l'avez dit. Nous aurons largement le temps d'aborder tous ces points. Et je me tourne maintenant vers Éric Sablé qui va à son tour se présenter. Je suis avant tout écrivain. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages, notamment chez aux éditions d'Hervy. Et je m'occupe aussi, je travaille aussi dans l'édition. Au niveau des sociétés secrètes, j'ai fait paraître il y a quelques années un dictionnaire des sociétés secrètes chez d'Hervy. Donc c'est le domaine de la Rose-Croix et peut-être le domaine que je connais le mieux. Voilà, c'est un petit peu... Sinon, mes champs d'investigation sont extrêmement vastes. Je me suis intéressé beaucoup à l'Orient et à tous les domaines de l'ésotérisme. L'Inde, je crois, en particulier, plus qu'à l'autre... Particulièrement l'Inde et le Tibet, puisque j'ai appris d'abord le tibétain et puis ensuite le sanskrit, ce qui me permet de traduire des textes de base dans ces domaines-là. Voilà. Merci Eric. Alors je vais peut-être vous poser la question, sans aller jusqu'à vous demander si vous faites partie de sociétés secrètes, mais qu'est-ce que pour vous qu'une société secrète aujourd'hui à l'aube de ce 21e siècle ? Alors, c'est le grand problème de l'historien, c'est de définir exactement le champ de l'étude et de donner une définition à ce qu'est une société secrète. Pour parler aussi en anthropologue, on s'aperçoit, et ça c'est ce qui est le plus fascinant, c'est que les sociétés secrètes accompagnent l'histoire des sociétés humaines depuis vraiment la nuit des temps, puisque... on sait qu'on a retrouvé dans certaines grottes ornées, comme à Niou, des représentations de sorciers, que l'on dit être des chamans. Et certains mettent le chamanisme dans les sociétés secrètes. Alors on pourra s'interroger aussi sur cette opportunité de ranger le chamanisme dans les sociétés secrètes. On sait qu'aujourd'hui, il y a un regain, un petit peu un retour du New Age pour le chamanisme. Les druides gaulois ont-ils été une société secrète ? Là aussi, on peut se poser la question. Et on en a dans toutes les sphères géographiques, énormément en Orient, mais aussi dans le monde amérindien. Et l'Europe, à toutes les époques, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas, j'irais épargnée. C'est un parti pris fâcheux, peut-être. Mais il y a des sociétés secrètes, pardon, en tout lieu et à toutes époques. Maintenant, qu'est-ce qu'une société secrète ? Ce sont parfois des sociétés qui ont désiré être secrètes. Très souvent, ce sont aussi des sociétés qu'il vaudrait mieux qualifier de clandestines, parce qu'elles sont secrètes, parce que les persécutions les ont contraintes à se ranger dans une clandestinité, à devenir, au regard du public, secrètes. L'exemple peut-être qui parlera le plus au public, c'est celui des cathares, qu'on a souvent présenté comme une sorte de secte très secrète, dont on verrait encore aujourd'hui des gens chercher les secrets qu'auraient détenus les cathares. Or, les cathares avaient pignon sur rue, si je peux dire, et c'est lorsque la croisade, ou les croisades menées contre elles, les ont contraints à se réfugier dans la clandestinité, et parfois aussi dans des châteaux que l'on dit cathares, qui sont en fait les châteaux du roi de France. Donc, et les châteaux des Pyrénées, enfin. Voilà, il y a beaucoup de confusion, justement parce qu'elles ne sont pas toujours secrètes, ces sociétés, mais elles auraient souhaité rester discrètes. Il y a celles qui sont secrètes malgré elles, il y a celles qui veulent absolument être secrètes, mais dont on ne sait pas bien quels secrets elles veulent garder. Il y a dans tout cela, bien sûr, des sociétés à but très distinct. Et je crois que c'est le principal sujet du débat qui pourrait nous préoccuper. Voilà, nous serons amenés à reparler de toutes ces spécificités. Pourquoi sont-elles secrètes? Pourquoi est-ce qu'un club de football est une société comme une autre? Ce n'est pas une société secrète, un club de football. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument que les francs-maçons, qui sont vraiment l'archétype de la société secrète, eux aussi pignon sur rue, notamment à Paris et ailleurs dans les grandes villes du monde. Donc c'est le problème pour l'historien, c'est de trouver à qualifier exactement ce qu'est une société secrète. Et je suis pas sûr qu'on y parvienne encore. On y tâchera, on tentera d'y parvenir, et je me tourne vers Eric pour lui demander quelle est sa définition, lui, d'une société secrète, ou comment la conçoit-il ? La société secrète, c'est l'opposition, c'est fondé sur l'opposition entre le profane et le sacré. Je pense que à partir du moment où on sépare justement un domaine profane et un domaine sacré, lorsque l'on pénètre par exemple dans un temple maçonnique, on n'est plus dans le monde profane, on est dans le monde sacré. Et je pense que c'est la première définition qu'on pourrait donner d'une société secrète, c'est ce passage, en quelque sorte, ce passage entre eux. Ce passage, il faut bien voir, pour la personne qui n'est pas initiée, finalement, si j'ai bien compris, d'être profane, ce qui vient du latin profanum, hors du temple, ça n'a rien de péjoratif, finalement. Parce que pour beaucoup, non. Se déclarer profane, c'est une connotation péjorative. Mais là, vous faites bien la distinction oui. entre le moment profane et le moment sacré, qui... peut-être engendrerait le secret, si je vous ai bien compris. Et voilà. Qui serait une voilà. des premières définitions d'une société secrète. Voilà. Pour moi, une société secrète, c'est une société, précisément, qui vise à orienter la personne sur le sacré, sur ce que l'on peut appeler le sacré. C'est-à-dire qu'on coupe, en quelque sorte, tout ce qui est extérieur, tout ce qui appartient au monde, tout ce qui appartient au profane, et on entre, justement, dans un autre domaine. On entre dans un domaine qui est celui que, globalement, je qualifie de sacré. Pour moi, ça, c'est ça la première définition d'une société secrète. Maintenant, il existe aussi des sociétés secrètes politiques, ça c'est autre chose, qui se cachent parce que, justement, elles complotent contre l'État, ou elles complotent, ou elles ont comploté contre l'État d'une façon ou d'une autre. Donc, elles ont intérêt à se cacher. Comme par exemple les Illuminés de Bavière, qui se cachaient, qui étaient en quelque sorte organisés en société secrète parce qu'ils voulaient renverser la royauté et reverser la religion. Hein. Donc il y a... mais ça, c'est autre chose. Les Illuminés de Bavière, pour le téléspectateur, est-ce que vous pouvez nous situer l'époque à laquelle cette société secrète... C'est une société secrète qui appartient au XVIIIe siècle, donc... À la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, surtout en Allemagne. Et qui était organisé de façon très hiérarchique. Et au fur et à mesure que l'on montait en grade, on apprenait de plus en plus le but réel de cette société secrète. Et ce but réel, c'était tout simplement renverser l'autel. Le but ultime, donc arriver au but ultime, au plus haut des grades, c'était renverser le roi et la religion. Voilà, c'était ça le but ultime de cette société secrète, alors qu'elle n'était pas du tout présentée à la base comme ça. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est une société secrète dans un sens plutôt politique. Hein, ça, ce qui est tout à fait différent. Alors que la société secrète, je pense, à l'origine, et telle que moi je la conçois, c'est plutôt justement une société secrète qui organise justement l'ouverture en quelque sorte de l'être humain, qui veut ouvrir l'être humain à d'une autre dimension qu'on peut appeler la dimension sacrée. Très bien, merci Eric. Alors, Renaud, ne pensez-vous pas que justement que cette différence entre le profane et l'initié, le monde profane et le monde sacré, tel que le décrit Eric, est peut-être un des premiers éléments communs à toutes les sociétés secrètes ? Oui, j'ai évoqué le chamanisme qui remonterait à la nuit des temps. Il est évident que dès lors que l'homme s'est préoccupé de l'existence possible d'esprit ou que sais-je encore, il a fallu qu'il cherche à communiquer. Et si l'un d'entre eux avait perçu le moyen de le faire, il n'a eu de cesse, effectivement, d'initier les autres. Initier les autres, ça ne peut pas se faire en une seule fois. Initier tout le monde, non plus. C'est pas, au point de vue social, c'est pas très valable. Si j'initie tout le monde... ce secret, cette révélation, ce mystère se dissipe. Donc il y aura forcément le choix d'un certain nombre, et la société sera d'autant plus secrète et discrète qu'elle va se choisir certains, tous les autres n'auront eux de cesse que de vouloir appartenir à la société secrète. C'est ce qui a, c'est ce qui, comment, les rend si fascinantes aujourd'hui, c'est qu'on les accuse de toutes sortes de maux, surtout celles que vous évoquiez, les sociétés politiques, et en même temps, ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui n'ont jamais été membres, et nous sommes majoritaires à n'être pas membres d'une société secrète, au fond, nous-mêmes, on a l'impression qu'on aspire tous à le devenir. Il faut être initié à un mystère que l'on ignore, mais... L'homme a toujours ressenti ce besoin, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Ça, c'est quelque chose... Les sociétés à mystère antiques, l'homme a toujours eu besoin de se sentir... Enfin, senti toujours attiré vers quelque chose de sacré, de secret. Et avant même d'évoquer le sacré... l'existence des sociétés secrètes est liée à l'existence des sociétés humaines. Tout le monde a fait l'expérience, vers l'âge de 10 ans, mes enfants me le rappelaient tout dernièrement, en CM2 à peu près, CM1, CM2, vous voyez les enfants constituer des sociétés secrètes. Et elles sont archétypiques de ce que sont toutes les autres sociétés secrètes. D'abord, bon, l'enfant naïvement vous donne tout de suite le nom des membres de la société secrète, c'est normal. Il vous dit bien, quand c'est un garçon, alors il y a Maxime, Jean, il n'y a jamais de fille. Alors, pas de fille dans ma société secrète. Une société, en fait, c'est parce que l'enfant a 10 ans, 11 ans, a pleinement conscience qu'au-delà de la société familiale, qui est la première des sociétés dans laquelle il s'inscrit, il y a l'école, qui est déjà une société plus vaste, mais il a très tôt compris aussi que tout cela... ce n'était que des petites sociétés au sein d'une plus grande. Et nous sommes, les hommes, nous sommes tous des êtres sociaux et nous sommes contraints de vivre en société. Et on voit chez chacun la volonté, le désir de créer une contre-société à tout moment. Hein, on veut une autre société. Celle à laquelle nous sommes incorporés malgré nous, eh bien, elle nous donne des droits, des autorisations, mais aussi beaucoup d'interdits. À un moment, on a envie de les fuir, beaucoup de devoirs. Pèsent sur nous des lois, comme une religion parfois, parce qu'il y a des religions d'État, et on sent bien qu'on est tenu d'appartenir à cette religion et d'en partager le dogme. À un moment, on souhaite aller ailleurs. Et de tout temps, les hommes ont créé des contre-sociétés, à l'intérieur même des sociétés. Et avant même de parler de rites initiatiques ou de sociétés secrètes qui n'admettraient que ceux qui seraient initiés et tous les autres demeureraient des profanes, il y a, quel que soit le but de la société secrète, il y a cette volonté très humaine de créer un autre groupe au sein du groupe. Alors ça a plein d'avantages de créer une société secrète, parce que ça vous distingue. Au sein de la grande société, on a beaucoup de mal à se distinguer. Le premier en haut de l'échelle, il n'y en a qu'un, chez nous ça va être le président de la République. Tout le monde ne va pas devenir président de la République. On a tous envie d'être riche, beau, célèbre. On s'aperçoit très vite que ça ne va pas être le cas. Donc au sein de cette société, si on ne trouve pas sa place... Il y a beaucoup d'avantages à créer sa propre société. Donc déjà, c'est un premier avantage. Deuxièmement, c'est si vous dites qu'elle est secrète, si vous l'entourez de tous les mystères nécessaires à susciter un petit peu de curiosité, voire plus tard, pour celles qui réussissent, de fascination, vous vous distinguez. Vous êtes le détenteur d'un secret. Il me semble avoir lu, je crois, c'est chez le sociologue allemand Simmel, qui s'est beaucoup préoccupé du secret des sociétés secrètes, qui énonçait clairement que la meilleure des sociétés secrètes, c'est celle qui préserve un secret qui n'existe pas. Parce qu'un secret, ça va tout de suite être la chasse au trésor, tout le monde va vouloir, puis il y a toujours quelqu'un pour trahir le secret. Donc finalement, c'est quelque chose de très récurrent dans les sociétés humaines, vraiment à tout âge, on voit des sociétés se créer. Alors certaines peuvent être plus, entre guillemets, sérieuses, parce qu'effectivement, elles vont proposer d'initier les gens à une spiritualité, à un ésotérisme. Et ce sont peut-être les plus nombreuses, et celles qui méritent le plus l'attention de l'historien. Les politiques ne doivent pas être négligées, parce qu'elles ont joué un rôle vraiment considérable, parfois, dans l'histoire. Hein, on pourrait évoquer le Ku Klux Klan aux États-Unis. Il n'a pas été... quand même une société politique. C'est vraiment... une société éminemment politique. Les francs-maçons se gardent bien d'être politiques. Or, la Troisième République, chez nous, était qualifiée de politique. C'était l'apogée de l'âge d'or de la franc-maçonnerie. J'évoquais tout à l'heure aussi l'Opus Dei. Dieu sait, tout ce que l'on dit sur l'Opus Dei, qui faut montrer je ne sais quel complot. Bon, voilà, les sociétés secrètes fascinent. Elles sont de tout temps. Elles ont des objectifs vraiment très distincts. C'est pourquoi le sujet est vaste et je ne voudrais surtout pas mettre sur le même pied toutes ces sociétés initiatiques, et puis les mafias calabraises, siciliennes ou de je ne sais quel pays. Ceux qui font des atlas ou des ouvrages sur les sociétés secrètes, immanquablement, ils mettent les mafias. Alors pourquoi est-ce qu'on les met tous ensemble? Parce qu'on en parlera certainement, on s'aperçoit qu'il y a à chaque fois des points communs qui sont, outre le secret, il y a l'initiation, le rite, le passage. Bien sûr, oui, dans les sociétés primitives, dont on en a connu dans la sphère amérindienne, il en existe encore en Afrique, on voit dans certaines tribus, il y a un passage. C'est souvent le passage très classique de l'enfant à l'âge adulte, qui doit passer par l'initiation, qui n'est pas toujours très profonde. Ça peut être le temps de quelques jours. On lui révélerait... Alors, de quelle nature est ce secret? En général, effectivement, on le tient secret. C'est un gage de longévité. Mais c'est quelque chose que l'on rencontre partout. Et société secrète politique, société secrète initiatique, société secrète au sein même de l'Église bien connue... Encore faudra-t-il savoir si l'Opus Dei est vraiment considéré pour beaucoup d'entre nous comme une société secrète. Vous avez aussi abordé le point du chamanisme. Il y a des tas d'éléments que l'on pourra reprendre au cours de ce débat. Mais moi, je me tournerai vers Eric pour que vous nous parliez un petit peu des rites ou du rituel qui, pour faire passer d'un monde profane à un monde d'initié, d'un vieil homme à un nouvel homme, est-ce que ce ne serait pas finalement un point important qui permettrait de classer une société, une association, un groupe d'hommes ou de femmes comme secret? Oui, bien sûr, c'est le fondement. Parce que moi, c'est tout à fait ce que vous venez de dire, c'est tout à fait la position du sociologue, en quelque sorte, mais qui n'est pas du tout la mienne, évidemment. Moi, je me passe tout à fait d'un autre point de vue. Et je pense que le secret, effectivement, c'est à côté, en quelque sorte, les à côté de la société secrète. Et effectivement, il y a le secret, mais comme le disait René Guénon, le véritable secret, c'est l'indicible. C'est ce qui, justement, ne peut pas être dit autrement. Donc, il n'y a pas d'autre secret que celui-là. Et tout tend, justement, à révéler à l'être humain ce secret qui est indicible. Et maintenant, vous parlez de ce passage, précisément, à l'adolescence. Alors ça, c'est aussi très, très intéressant, parce qu'effectivement, on retrouve ça dans des sociétés, notamment les sociétés amérindiennes. Mais c'est extrêmement intéressant, parce qu'on peut distinguer bien une société, là, qui est complètement centrée sur le sacré, et une société profane comme la nôtre. Parce que, effectivement, chez les anciens indiens, l'adolescent devait partir dans un lieu habité, dans un lieu, c'était au sommet d'une montagne, c'était un lieu sacré, en quelque sorte, et là, il jeûnait. Il jeûnait pendant plusieurs jours, il faisait des rituels, jusqu'au moment où il avait une vision ou un rêve qui lui révélait ce qu'il était vraiment, au fond. C'est-à-dire son animal totem, et sa nature profonde, en quelque sorte. Et à partir de ce moment-là, il n'était plus l'expression du désir de ses parents, comme finalement nous le sommes tous dans notre société profane, mais il était l'expression d'un archétype. Donc il s'exprimait, cet archétype s'exprimait à travers un animal totem. Et à partir de ce moment-là, il étudiait justement la vie de cet animal-là et il essayait de faire correspondre son propre existence à l'existence de cet animal-là. C'est-à-dire qu'une vie réussie chez les Indiens d'Amérique du Nord à cette époque-là, c'était une vie où on était conforme non pas à un modèle social, mais on était conforme à son archétype propre. Voilà. En harmonie avec la nature. En harmonie, non, avec soi-même, avec son fond, avec sa nature propre. Et c'est dans ce sens-là, et on retrouve très curieusement cette notion-là, par exemple en Inde, où le gourou transmet aux disciples un mantra qui n'est pas un mantra universel en quelque sorte, mais qui est le nom de la personne, qui est le nom propre de la personne, qui est aussi l'expression de son archétype. Pour le téléspectateur, peut-être pouvez-vous préciser la notion de gourou telle qu'on l'entend en Inde par rapport à ce qu'elle est décrite dans une société occidentale, oui. On ramène plutôt à un phénomène sectaire. Oui, ça n'a strictement effectivement rien à voir, et le gourou en Inde, on peut dire qu'il y a énormément de gens qui ont un gourou, c'est simplement comme une sorte de conseiller, on a un gourou, et on retrouve ça d'ailleurs aussi en Afrique du Nord avec les maîtres soufis, certains maîtres soufis que l'on consulte. Alors il y a les disciples proches qui effectivement eux suivent une démarche spirituelle très très précise, et puis il y a les gens, disons, les artisans du bazar, qui justement ont un gourou qu'ils vont voir lorsqu'ils ont un problème de mariage ou un problème particulier, même un problème très très concret, très très matériel, on dirait. Hein. C'est pas simplement, ils s'occupent pas simplement de problèmes spirituels. Voilà, c'est quelqu'un qu'on va consulter en quelque sorte et qui protège, qui a une vertu protectrice en même temps. Donc c'est quelque chose qui était beaucoup moins maintenant, mais qui était très très répandu en Inde. Comme c'était très répandu dans les pays arabes avec les confréries soufis. Il y avait des confréries soufis qui sont là l'expression d'une société secrète, qui contenaient des milliers de personnes. Il y avait des milliers de personnes. Entre confréries et sociétés secrètes, y a-t-il antinomie? Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Les soufis. Ah non, les soufis sont vraiment une société secrète. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'amis qui sont soufis. Il y a des rituels de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il y a une initiation. C'est-à-dire qu'il y a une initiation qui se passe entre le disciple et le maître, hein, qui transmet justement une invocation particulière, l'invocation de Dieu pour justement arriver à une certaine réalisation spirituelle. Donc, pour qu'une société soit secrète ou dite secrète, il faut qu'il y ait aussi, d'après vous, Renaud, cette relation de maître à disciple. Est-ce que c'est un des points forts qui nous ferait... Non, forcément, comme j'évoquais, il y a la société profane, société plus secrète. Je parlais de la société générale. Il y a un maître aussi. Toute société a un maître gourou. Mais l'Église catholique romaine confie, je crois encore, ses ouailles à un confesseur ou à un directeur spirituel, un directeur de conscience. Donc le terme de maître n'est pas forcément pris en termes de hiérarchie très autoritaire. Ça peut être une complicité spirituelle et intellectuelle. Et c'est vrai que les termes ne sont pas toujours très clairs, parce que le gourou, comme vous l'évoquiez, n'est pas celui que l'on rencontrait en Inde. Effectivement, le gourou, pour le journaliste français, le gourou, c'est celui d'une secte qui va finir en prison. C'est un peu pour parler rapidement. Donc non, il n'y a pas forcément d'autoritarisme dans une société secrète. Par contre, quand on évoque les gourous ou les directeurs de conscience, on parle là de choses qui ne sont absolument pas secrètes. Et on voit que parler des sociétés secrètes, s'agit-il de parler du secret qu'au sein de cette société on va transmettre, ou est-ce que c'est une société qui va vraiment s'enfoncer dans une existence secrète? Alors là, elles sont si nombreuses qu'il y a tous les cas. Pouvez-vous nous donner quelques exemples justement de sociétés qui s'enfonceraient dans le secret? Vous connaissez mieux que moi les sociétés orientales ou moyen-orientales, mais... on peut évoquer les tariqas musulmanes, mais les frères, les derviches tourneurs sont à la fois connus du monde entier pour des raisons très touristiques, ça on le comprend, esthétiques et artistiques. Oui, mais depuis, mais elles depuis, sont depuis une peu société... de temps, puisque les premières tournées de derviches tourneurs en France datent des années 60, mais alors qu'avant, elles étaient. Il est fascinant de voir qu'il s'agit effectivement, sinon d'une secte, parce que le terme n'est pas toujours très approprié, mais c'est une confrérie. Alors, c'est un fait très répandu dans le Proche-Orient. Hein, le monde, l'islam, est, si je puis dire, truffé hein, de les tariqas musulmanes. Les frères musulmans sont à l'origine, aujourd'hui on parle beaucoup d'eux comme d'un groupe de pression politique. C'est très différent, là je ne suis pas d'accord. À l'origine, c'est pas une société secrète. À l'origine, ils étaient constitués un peu comme une confrérie. Mais vraiment dans les toutes premières années. Éric va nous donner son point de vue. L'intégrisme, il s'agirait juste là de porter un jugement sur justement la lecture qu'ils font de leur propre message ou révélation. Mais ça, c'est un sujet très mouvant, mais les sociétés secrètes sont un sujet très mouvant. Effectivement, je suis d'accord avec vous, les frères musulmans sont aujourd'hui très clairement, non seulement ne sont plus secrets, mais en plus... sont radicalement politisés et ne font aucun mystère de leur volonté. Ça, je suis d'accord. Mais à l'origine, ils auraient dû se constituer comme une confrérie, comme l'islam en a connu beaucoup. Alors, on a abordé l'islam. Est-ce que pour nos téléspectateurs, vous pouvez faire expliquer quelle est la différence entre une confrérie soufie et puis des derviches tourneurs? Est-ce qu'ils font partie d'une confrérie? Est-ce que c'est une confrérie bien particulière? D'abord, on peut dire que dans l'islam, puisqu'on parle maintenant de l'islam, il y a une opposition en quelque sorte entre l'aspect ésotérique et l'aspect exotérique. C'est-à-dire que l'islam serait pour disons pour tout le monde, il y aurait un aspect extérieur, exotérique, valable pour tout le monde, avec ses obligations, mais il y aurait aussi un aspect ésotérique, c'est-à-dire intérieur de l'islam. Et justement, les confréries soufis, dont font partie les derviches tourneurs, représenteraient cet aspect intérieur de l'islam. Et cet aspect intérieur de l'islam serait enseigné, serait révélé en quelque sorte par un maître qui appartient à une lignée, c'est-à-dire qu'il faut appartenir à une lignée qui se rattache ultimement au prophète. Et il dispenserait donc un enseignement qui serait à la fois une lecture ésotérique du Coran, c'est-à-dire qu'il y aurait, le Coran aurait en quelque sorte une double lecture, une lecture à la fois extérieure, exotérique, et une lecture intérieure et ésotérique. Et cette lecture ésotérique serait donnée le fruit d'une révélation. D'une part, le fruit d'une révélation et le fruit aussi d'un enseignement. Et cet enseignement, c'est précisément les maîtres de la tariqa, le maître de la confrérie soufie, qui les donnerait à leurs disciples choisis. Et il y aurait aussi des pratiques spirituelles, et il y aurait une initiation et des signes de reconnaissance. Donc ce sont bien des sociétés secrètes, puisqu'il y a tous les éléments d'une société secrète. Il y a effectivement, dans les confréries soufis sont organisées en société secrète. Alors, société secrète, mot de passe, signe de ralliement, oui. Pouvez-vous développer ce point-là, mais d'une manière générale, peut-être, et puis nous rentrerons après, non pas dans l'histoire des sociétés secrètes, mais forcé de constater que les sociétés à mystère dans l'Antiquité, en Grèce, à Rome, on arrive ensuite au Moyen-Âge, ont toujours existé. Là, nous avons abordé les sociétés amérindiennes, l'Inde, le monde islamique. Il y a des points communs à toutes ces sociétés secrètes. Oui, alors, on parlait du monde islamique, j'aimerais juste préciser et élargir, il y a aussi le monde chrétien. Et étrangement, il semblerait que la chrétienté et l'Église catholique romaine aient échappé à ce phénomène. Ah non, il y a eu une société secrète. Les chevaliers du Paraclet, et il y a une société secrète qui date du XVe siècle, deux sociétés secrètes qui datent du XVe siècle et qui se sont perpétuées justement jusqu'à nos jours de façon complètement secrète à l'intérieur de l'Église catholique. Mais c'est extrêmement rare. Il y avait très très peu de membres. Justement, parlez-nous de cette société. L'étoile internelle et les chevaliers du Paraclet. Ah, l'étoile internelle, oui. Et les chevaliers du Paraclet. C'était deux petites sociétés secrètes qui se sont perpétuées depuis le XVe siècle. Donc, il y a, même à l'intérieur de l'Église catholique, il y avait, qui véhiculaient des documents, enfin, ils avaient des documents particuliers qui décryptaient justement l'aspect ésotérique de certains symboles chrétiens. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ces deux sociétés? Elles sont vraiment secrètes, alors. Non, je pense que c'est... Oui, il y a des... Alors là, on rentre dans des histoires assez compliquées. Il y a des gens qui se réclament toujours de ces deux sociétés secrètes-là, mais c'est... C'est un petit peu... Là, il faudrait faire une émission sur ces deux sociétés secrètes. Encore faudra-t-il trouver des participants. Il y en a. Il y en a, oui. Mais je laisse la parole. Alors, je ne les connais pas, ces sociétés, mais je voulais attirer l'attention sur le fait que... je pourrais parler d'autoritarisme de l'Église qui a toujours empêché que se développent en son sein des sociétés qui pourraient être considérées comme des contre-sociétés et puis qui, du coup, pourraient remettre à mal... La vérité révélée, le message évangélique de l'Église romaine ne souffre pas de discussion. Très tôt, dans les premiers siècles du christianisme, il y a eu toutes sortes de tentatives. Hein, on connaît tous l'expression fameuse, hein, l'Église, c'est une secte qui a réussi. Mais aux origines, il y a une multitude, non pas de confréries, mais de sectes. On connaît bien les Esséniens, notamment. Tous ceux, très tôt, qui n'ont pas suivi la ligne directrice ont été persécutés. Et tout comme vous évoquiez dans l'islam les différentes lectures et qu'il y aurait à la fois un exotérisme et un ésotérisme et une seconde lecture des textes, il n'en allait de même autrefois dans la Bible. Hein. Tout à fait. La gnose, la cabale, la cabale juive est encore terriblement prégnante, Israël, aux États-Unis. Alors, effet de mode aussi. Hein, ça, ne confondons pas société secrète et puis peut-être mouvement sectaire ou dérive qui pourrait... Non, mais vous voyez bien que l'insuffisance de l'expression société secrète nous oblige à évoquer toutes sortes de groupes distincts et qui semblent en même temps, par des rites, par des mystères qu'on ne veut pas dévoiler, semblent appartenir à la même famille. On voit bien que c'est divers, il y a foisonnement depuis la nuit des temps de toutes sortes de groupes, des groupuscules parfois, et des fois des sociétés secrètes immenses. Des millions de membres. Le monde chinois a encore, je crois, et a été traversé par l'histoire des sociétés secrètes qui ont été constitutives de l'histoire. Hein, on sait que les fameux 55 jours de Pékin, les boxers, il y avait des sociétés secrètes et il y a toujours des sociétés secrètes en Chine. Donc elles sont partout et trouver des points communs à tous, c'est assez facile et en même temps, ça ne fait que les distinguer davantage. On en revient toujours à... qu'est-ce qu'elles veulent? Et je crois qu'effectivement, le plus intéressant, c'est cette initiation à une vérité qui ne serait pas connue du profane. On en rond peut-être là, mais c'est intéressant à redire une fois encore. Profane et initié. Je pense que c'est vraiment là où on est dans le cœur de la société secrète. Le reste n'est qu'affaire de fascination. Plus ou moins populaire, populiste, avec, ça nous mène à la théorie des complots, du complot, et ça revient constamment au gré de l'évolution des sociétés. À chaque fois qu'il y a... en mai 68, il y avait toutes sortes de complots, on mettait mai 68 sur le dos de je ne sais quel conspirationniste et société secrète. Pas de société secrète, quand même. Les situationnistes, oui. Les situationnistes... alors, bien sûr, les situationnistes, ça les faisait rire. Il n'y avait rien de secret chez les situs. Mais regardez comment les surréalistes, dont les situationnistes disaient... Je ne change pas du tout de sujet. Mais chez les surréalistes, on sait qu'il y a tout un pan de la recherche. Hein, je cherche l'or du temps, hein, disait André Breton. Il y a, chez beaucoup d'entre eux, une utilisation de la poésie pour... passer du profane au sacré, l'art magique chez Breton, ça n'est quand même pas rien. Maintenant, le surréalisme a connu, surtout en Belgique, des surréalistes révolutionnaires qui n'ont jamais fait de société secrète. En même temps, c'est quelqu'un qui s'est préoccupé de beaucoup de surréalistes, je pense à Gérard de Sède, qui a été plus tard l'un des grands colporteurs, si je peux dire, des histoires sur Rennes-le-Château. Les Templiers aussi. Les Templiers, mais du coup, Rennes-le-Château, comme en rapprochement géographique oblige, on pense au château Cathare. Et vous voyez, pour le public, même si toutes ces sociétés secrètes n'entretiennent aucun rapport, pour le public, très vite, une fascination qui les englobe toutes. On peut avoir aussi bien, on parlait de surréalisme, on peut parler de la cabale, de la gnose, des manichéens au IIe siècle. On sent, et on voit bien dans les grands succès de littérature actuels concernant les sociétés secrètes, hein, et bien évidemment le fameux Da Vinci Code, on voit bien qu'évoquer une société secrète ne suffit pas. Il faut que le public les rattache à d'autres sociétés et surtout leur fasse traverser le fil du temps. Le secret est toujours perpétué depuis très longtemps. Ça, c'est aussi un invariant. Alors, c'est-à-dire que la société secrète se caractérise par une tradition et une transmission, finalement. Voilà, transmission d'un savoir. C'est le fil qui fait que cette société secrète perdure dans le temps et qu'elle reste toujours secrète. Oui, c'est vrai, il y a transmission, c'est clair. Il y a toujours transmission, aussi bien chez les soufis, dans les francs-maçons. Il y a toujours transmission d'une connaissance. Ouais. D'une connaissance, de rituels, d'une connaissance. Et puis, il y a initiation, c'est-à-dire passage précisément de cet état profane, de cet état sacré, à travers une initiation, et donc des rituels. Ça, c'est ce qui caractérise, on peut dire, toutes les sociétés secrètes. Maintenant, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les sociétés secrètes traditionnelles. Maintenant, c'est vrai que ce que vous disiez sur l'enfance et les sociétés secrètes est très intéressant. Et effectivement, quand j'étais gamin, j'avais fondé une société secrète avec des amis. Là, il y avait des filles. Il y avait des filles. Il y avait ma sœur. Ah oui, mais donc, ça dépend de l'objectif. Il y avait ma sœur et ma cousine. Ça dépend de l'objectif que ça suit, la société secrète. Donc, on avait fondé une société secrète. Il y avait un nom. On avait trouvé un nom, Altamira. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme ça. On adorait le soleil. Et on avait des rituels et si je me rappelle un petit peu de ce que je ressentais à l'époque, on peut trouver un petit peu cette origine de ce besoin de se constituer en société secrète, effectivement. Mais c'était quand même autour de effectivement la volonté de se couper du monde extérieur, ça c'était vraiment, on ressentait ça très fort, et de se retrouver ensemble autour d'une certaine connaissance secrète que les autres ne ne possédait pas. Ça, c'est clair. Mais il y avait aussi un aspect sacré très fort, c'est-à-dire qu'on adorait le soleil, par exemple. On adorait, pourquoi on adorait le soleil? Je suis incapable de le dire. Hein. Mais enfin, on adorait le soleil. On considérait que c'était Dieu. C'était une espèce de... On avait retrouvé certainement des vieux rituels très anciens, spontanément. Donc, effectivement, oui, là, on est à on retrouve un petit peu cette essence de ce besoin de l'être humain de se constituer en société secrète, ou de moins de certains humains de se constituer en société secrète. Alors, pour revenir à l'Europe et au monde occidental, quelles seraient aujourd'hui, d'après vous, les sociétés secrètes existantes? C'est toujours pareil, elles sont tellement nombreuses. Je crois qu'il faut s'en tenir à cette distinction. On évoquait les sociétés secrètes politiques, c'est celles qui tout de suite viennent à l'esprit. Donc là, il est clair que les mafias siciliennes, calabraises et mafias d'Europe de l'Est sont toujours là, hélas. Oui. Qu'est-ce qu'on a sinon? On a les grands classiques de la franc-maçonnerie. Oui, mais là, vous avez abordé des sociétés secrètes. Oui. Identifiées. Oui. On peut peut-être faire une différence entre les sociétés secrètes, organisations initiatiques, comme la franc-maçonnerie, et puis politiques, Moi, je pense que ça, c'est essentiel. Voilà, c'est une distinction essentielle à faire. L'IRA, les sociétés secrètes initiatiques, et les sociétés secrètes autres, en quelque sorte, autres, politiques, mafieuses, etc. Ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait qualifier, parce qu'on a réussi à trouver des points communs pour une société secrète, qu'est-ce qui pourrait justement différencier une société secrète politique d'une société secrète initiatique, si ce n'est peut-être le but? C'est le but. C'est ce qu'il faut. Dans la définition de la société secrète, il faut, je crois, résolument s'attacher à bien comprendre le but qu'elle s'assigne. But de révélation, d'étude, secret à garder, peu importe. Les sociétés politiques ont clairement un but politique. Plus beaucoup en Occident de prise du pouvoir, de putsch. On l'a connu dans la République avec, par exemple, la cagoule, la synarchie, qui ont fait vaciller, quand même. La cagoule a fait peur. Jusqu'en mai 58, on a parlé de complot et de société secrète. La cagoule, peut-être pour nos téléspectateurs, peut-être pouvez-vous développer la cagoule, quels étaient les objectifs entre deux guerres. L'objectif était au moment où la République semblait être à la fois bien assise sur debout sur ses fondements, mais en même temps terriblement fragile parce que les scandales politiques se multipliaient. Le péril communiste était né. Donc, on est après les années... La cagoule, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. C'est entre deux guerres, on va dire. Et on sent une partie de... je vais pas dire le patronat français, parce qu'il y a eu des histoires avec le patronat français, mais il y a une volonté de créer un groupe d'inspiration et d'obédience fasciste chez certains, à l'exemple de l'Italie mussolinienne. Et au moment où, en février 34, on sent le péril communiste, parce que quand, après, c'est le scandale Stavisky qui met le feu aux poudres, le préfet de police a encore fait des siennes, le gouvernement va tomber, une fois de plus, sous la Troisième République. Et en même temps, on sent que le monde ouvrier s'est vraiment bien constitué, et notamment autour du Parti communiste, qui est encore jeune, mais déjà très très solide à cette époque, et une droite française a peur. Et là, on sent que même si les camelots du roi, l'action française n'est plus très, très virulente, on sent qu'il y a quand même dans la population française encore cette envie d'abattre la gueuse, cette fichue république. Pour mettre quoi à sa place, on ne sait pas bien. Et s'est constitué un groupe qui a fait beaucoup parler de lui, c'est la fameuse cagoule, parce que, justement, j'évoquais le patronat, il y avait des liens avec certains grands patrons, notamment de L'Oréal, Schuller. Et cette société secrète, qui avait des accointances dans l'armée, dans l'état-major, avait infiltré une partie du pouvoir. En même temps, la police en savait beaucoup et laissait agir pour voir jusqu'où ils allaient aller. Ils ont quand même posé des bombes. Donc on ne pouvait pas ne pas réagir comme on avait réagi aux bombes anarchistes. Et puis surtout, il se disait qu'il fomentait véritablement un complot avec... tout était prêt vraiment pour s'emparer du pouvoir. En fait, bon, le pseudo-complot a échoué. On ne sait pas même vraiment bien s'il était prêt. Mais c'est à un moment dans la République, on a eu une société secrète qui lui a fait peur. Oui. Et à Vichy, on a retrouvé des mêmes anciens de la cagoule. Tous n'ont pas été jugés. Et il y avait une synarchie qui était encore une sorte de société secrète. Mais voilà... peut-être les seules sociétés secrètes politiques que la République française a connues. Après, c'est des complots, mais des complots... Il y a peut-être eu, dans les années 60, l'OAS qui était considérée l'OAS, mais là, on est vraiment dans une organisation structure. Armée secrète. On est dans ce que on évoquait dès le début de cette table ronde. On est dans les sociétés secrètes malgré elles. C'est vraiment une société clandestine. Hein. Tout comme dans la résistance, il y avait une armée secrète. Hein. Là, c'est secret malgré eux. Oui, cette opposition entre d'ailleurs clandestin et société secrète, je pense société clandestine, société secrète, est importante aussi, ça c'est clair. Oui, parce que s'ils n'étaient pas contraints à la clandestinité, ils agiraient en plein jour. Donc la France n'en a pas connu beaucoup. Alors par honnêteté, je devrais dire qu'il y en a peut-être, mais je ne les connais pas si elles sont secrètes. Surtout, je crois qu'il faut évoquer un point capital... c'est que la France est une république laïque, et elle l'est farouchement. Même si on nous dit sans cesse que, hein, tous les 10 ans, ça revient sur le tapis, la laïcité est menacée. Quand on voit comment l'Europe a évolué tout au long du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une singularité française qui tient en grande partie à cette laïcité. Hein. Et la grande loi de 1905 a empêché... certainement que des groupes religieux, alors là je pense à l'Opus Dei, mais on pourrait peut-être en voir d'autres, aient pu trouver leur place dans la société française. La société française échappe, plus que d'autres peut-être aujourd'hui, à la constitution de sociétés secrètes. Maintenant, du point de vue de l'initiation, de l'ésotérisme, de ces sociétés que je dirais volontiers plus spirituelles et beaucoup plus sérieuses, là, je ne sais pas. Il y a, bien sûr, les francs-maçons. Ça, chacun sait qu'ils sont là. Ils ont joué un rôle considérable hein, sous la Troisième et sous la Cinquième République aussi. Hein, mais aujourd'hui, il semblerait que... bon, il soit admis qu'ils travaillent un peu plus dans la discrétion qu'à une certaine époque. À une certaine époque, ils se sont un peu... enfin, certaines obédiences, je crois. Hein, je ne les connais pas bien, mais c'était fourvoyé un petit peu dans le relationnel. On était plus chez les francs-maçons dans la cooptation au sein d'un réseau d'influence. Bon, il y a eu quelques petits scandales. Je crois que tout ça est rentré dans l'ordre. Ils sont surtout préoccupés de se quereller entre eux. J'ai cru deviner, mais ça, ça appartient à la franc-maçonnerie depuis déjà très longtemps. Est-ce qu'on a d'autres sociétés sur le territoire français ? Une société comme le compagnonnage, finalement. Est-ce que vous la considérez comme secrète ? Aujourd'hui, des filles sont compagnons du Tour de France. Est-ce que, d'après vous, elle est encore cette société J'ai eu la chance secrète de connaître du 19e siècle. Des tailleurs de pierre, ils ne m'ont jamais parlé de rien. Non, ils parlent pas. Donc ils ne parlent pas, ils sont secrets. Mais ça, je sais. C'est deux sociétés secrètes. Alors, dites-nous, Eric, ce que vous savez, alors, sur... je pense que nos téléspectateurs seront heureux de... Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, il se trouve que j'étais charpentier. Donc, j'ai appris avec les compagnons. Donc, je connais un petit peu ce domaine-là. Et oui, c'est une société secrète, bien sûr. Ils n'en parlent pas, parce qu'ils ne veulent pas faire peur avec des rituels. Mais il y a des grandes chances même que les rituels maçonniques soient issus, en fait, du compagnonnage ou des corporations compagnonniques. Parce que les rituels sont les mêmes, hein. Oui, c'est certain. Pour moi, c'est absolument certain. Les rituels sont les mêmes. Donc, il y a des rituels, effectivement, d'initiation. C'est-à-dire que le compagnon, en général, c'est une personne assez jeune. Vers l'âge de 16 ans, il rentre, il fait le Tour de France. C'est-à-dire qu'il part de Bordeaux, il fait tout le Tour de France il va de Cayenne en Cayenne. Un homme de métier qui exerce un travail manuel, à travers que ce soit métier, boulanger, voilà. Menuisier, alors, c'est-à-dire qu'il fait tout... serrurier. Alors la particularité du compagnonnage, c'est que la sélection se fait sur l'endurance. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde peut y rentrer, mais simplement la sélection se fait, il y a ceux qui restent et ceux qui partent, ceux qui ne supportent pas, parce que il y a, à l'époque, c'était 9 heures de travail par jour dans le bâtiment, le soirs jusqu'à 11h, il y avait les cours de trait dans la charpente, hein, c'est-à-dire qu'on apprenait justement l'art du trait, l'art de tracer les bois, tout ça, qui est un art très très complexe. Et en plus de ça, les compagnons faisaient leur chef-d'œuvre. Hein. Ils devaient avoir fini leur chef-d'œuvre à la fin du Tour de France. Donc, et ça, c'était les week-ends. C'était les week-ends et le matin très tôt. Parfois, ils se levaient très très tôt pour justement faire leur. Donc, c'était quelque chose de. Ils étaient axés sur le travail. C'était très très difficile, très dur, quoi. C'était 5 années. Ça durait 5 années à peu près. C'était 5 années difficiles. Et alors, il y a ceux qui ne supportaient pas et qui partaient. Et puis ceux qui restaient, eux, ils étaient initiés, ils étaient compagnons. Ils avaient le grade. De compagnons, mais il y avait effectivement, il y avait des rituels, il y avait des signes de reconnaissance, hein, il y a des signes de reconnaissance compagnoniques, donc ils étaient bien structurés en société secrète. Alors justement, en parlant du compagnonnage, on sait que les lois Le Chapelier en 1791, la Révolution française, on a interdit toutes ces associations, toutes ces corporations, il y a eu des passeports mis en place pour mieux les suivre. Alors est-ce que l'on peut parler de cette chasse un petit peu aux sociétés secrètes? On sait que les francs-maçons au XVIIIe siècle ont été dès le début fliqués. Une fois encore, on va dire que la définition est terriblement confuse, mais si les compagnons ont été pourchassés, c'est là aussi parce que une société comme la société française de la Révolution, qui c'est l'avènement d'un monde nouveau en quelques années. Et interdire les sociétés, c'est surtout interdire toute contre-société, alors qu'on est en train d'en bâtir une si belle et que l'on espère si prospère. Et la société secrète des compagnons, on devrait plutôt dire les sociétés, parce que comme chez les francs-maçons, il y a plusieurs obédiences, ce sont quand même des sociétés éminemment politiques et économiques. Parce que les compagnons même aujourd'hui sont effectivement conscients et cultivent cet héritage. Ils sont conscients d'être héritiers d'une très longue tradition dont les légendes les rattachent au temple de Jérusalem. Mais il faut bien voir qu'au Moyen-Âge, le grand chantier, c'est la cathédrale. C'est là qu'œuvrent les compagnons. Le compagnon est payé 10, 15 fois plus qu'un manœuvre, qu'un terrassier lambda. C'est l'aristocratie du métier. Ces gars-là, c'est le nec plus ultra. Donc, il faut vivre. Et celui qui a un savoir, parce qu'ils se sont. Le compagnon a longuement appris auprès d'un maître, il a fait son chef-d'œuvre, hein, on connaît ça, c'est pas si secret, parce qu'on l'apprend à l'école. Mais effectivement, ils ont perpétué cette tradition, mais jusqu'au 19e, on voit les compagnons se quereller, se déchirer. Il y a parfois des morts dans les villages, parce que quand un groupe compagnon tient une ville, pas question de laisser rentrer les autres. On est dans l'éminemment politique et économique. Et les lois Le Chapelier, comme plus tard certaines tentatives de mettre au pas le compagnonnage, ça a été pour empêcher que ne se constituent des choses qui... C'est le problème très jacobin en France où on ne veut que rien n'échappe à la tutelle de l'État. Oui, mais alors là, ce qu'il faudrait remarquer quand même, c'est que déjà au Moyen-Âge, il y avait une opposition entre l'Église et les corporations compagnoniques. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait, ça a été interdit, c'est-à-dire que les corporations ont été interdites. Donc c'est pas simplement la République française, hein, c'était déjà à l'époque de l'Église parce qu'ils représentaient un contre-pouvoir. Alors les guildes, les corporations, est-ce qu'elles peuvent être considérées au Moyen-Âge comme des sociétés secrètes? Les guildes, les corporations qui regroupaient les maîtres, non, finalement. Certaines, pas toutes, non, pas toutes. Mais il y avait effectivement, ils étaient constitués, il y avait des corporations qui étaient constituées déjà comme le compagnonnage en société secrète. Et ils étaient souvent en conflit avec l'Église. Ça, il y en a encore des documents à ce sujet-là. Le plaisir de l'archéologue est toujours monté sur les clochetons des grandes cathédrales, voir tout ce que les compagnons ont laissé comme... comme pied de nez à l'Église, hein. Donner quelques exemples, alors, monsieur. Je ne suis vraiment pas un spécialiste de l'histoire de l'art, mais dans toute Église, il y a ce qui se voit, ce qui va être lu. Hein. C'est, dans la pierre, il gravait quand même le texte biblique, le message biblique, les maîtres verriers comme les sculpteurs. Là, et il y avait un cahier des charges très très précis. L'évêque du lieu, bien sûr, avait la haute main sur cela, mais l'évêque ne montait pas au-delà de 20 mètres, n'allez pas sur les échafaudages. Et on voit parfois des scènes assez cocasses, ça lasse. Souvent, les compagnons se lâchaient. Parce que là, alors ça dépendait des rapports qu'ils avaient eus, mais celui qui voulait vraiment faire une méchante pique à son évêque, parce que c'est lui qui tenait les cordons de la bourse. Donc c'est vrai que quand maintenant on va restaurer les églises, on découvre parfois des choses qui ne sont n'appartiennent pas au message religieux de façon très pertinente. Oui, c'est sûr. C'est rigolo. Mais effectivement, ils étaient constitués en société secrète parce qu'il leur fallait défendre leurs intérêts, donc ils étaient pour cela très politiques et avec des intérêts économiques, et en même temps, vous voyez la difficulté de la définition de la société secrète, ils se perpétuaient au sein des Cayennes et puis au sein des réunions un savoir, parce que c'est avant tout un savoir manuel, et que la légende rattachait à la construction du temple. Donc, vous voyez, le travail manuel avait un reflet spirituel. Donc, C'est une connaissance, extrêmement importante. Il y avait notamment transmission chez le charpentier. Les bois sont marqués avec des sortes de runes. C'est la pendule à Salomon. Et ça, c'est très mystérieux aussi, l'origine de la pendule à Salomon, qui sert à tracer les bois. C'est-à-dire que c'est en fait des runes. Alors, il y a Gérard de Sète qui a écrit un livre, d'ailleurs, qui est assez intéressant sur l'origine gothique possible du compagnonnage. Alors, gothique précisé, c'est pas... Des Goths, c'est des Goths, hein, voilà, c'est ça, des Visigoths. Des Visigoths, oui, oui. Alors, Visigoths qui va nous ramener au Qatar, à Rennes-le-Château, au trésor de... Pas forcément. Là, ça serait les Goths qui, justement, étaient détenteurs des runes, donc de cet alphabet magique des Scandinaves, et qui seraient utilisés, qui auraient été utilisés après, justement, par les compagnons. C'est-à-dire qu'il y aurait eu transmission entre les Visigoths, qui seraient les Cagots, d'après Gérard de Sède, et ensuite le compagnonnage, qui aurait une espèce de transmission. C'est une hypothèse qui est intéressante. Je ne sais pas si elle est vraiment valable, hein, parce qu'il y a toutes sortes d'autres hypothèses possibles, mais celle-ci est du moins, elle est intéressante et elle expliquerait cette origine runique de la pendule à Salomon. Alors, on ne peut pas parler de société secrète sans parler des Rose-Croix. Alors, pourriez-vous nous... Je cède la parole volontiers. Quelques mots du Rose-Croix. La Rose-Croix, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié à l'époque où j'écrivais ce dictionnaire. Et la Rose-Croix du point de vue historique, parce qu'il y a le point de vue historique et le point de vue mythique, ce sont deux points de vue différents. Du point de vue historique, c'est une société qui s'est constituée au XVIIe siècle en Allemagne, qui a été constituée par des étudiants en théologie autour de Valentin Andrea, d'un certain Valentin Andrea, qui est un personnage qui est assez intéressant, qui est un personnage qui écrivait très bien, qui était inspiré. Et ils se sont regroupés. C'est l'explication, je dirais, historique. Hein. Ils se sont regroupés, ils étaient un certain nombre. Il y avait Christophe Bézol, Tobias Hess, ils étaient un certain nombre. Et ils ont décidé, c'était à l'époque, l'Allemagne était protestante, mais ils pensaient que la réforme de Luther n'était pas accomplie et qu'il fallait accomplir politiquement déjà la réforme de Luther. Hein. Donc pour accomplir la réforme de Luther, ils auraient créé un mythe, le mythe de Christian Rose-Croix, qui était un noble allemand qui serait parti chercher la connaissance en Orient et qui serait revenu avec justement certains savoirs secrets. Voilà. Et ils ont écrit un manifeste, ils ont écrit des livres qui ont eu un succès énorme à l'époque, un retentissement extraordinaire. Et tout le monde s'interrogeait, tout le monde s'est demandé qui sont ces mystérieux Rose-Croix. Voilà. Et le premier manifeste est sorti. Alors, bon, évidemment, on peut étudier. Et ce mythe, en quelque sorte, qu'ils avaient créé, a pris. Il a pris, la société de l'époque justement était réceptive justement à ce mythe-là, était suffisamment réceptive et il y a eu partout des gens qui effectivement ont pris au mot les mots d'ordre de ces Rose-Croix, de ces premiers Rose-Croix et qui ont décidé de façon politique d'accomplir cette réforme. Et alors ils étaient très liés à des personnages qui sont très intéressants, je me suis beaucoup intéressé notamment à un personnage qui est connu en niveau de la pédagogie qui était Comenius, hein, qui était un grand ami de Valentin Andrea et qui a accusé, on a des lettres de lui où il accusait justement Valentin Andrea d'avoir abandonné l'idéal de la Rose-Croix. Or là c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que ce Comenius-là, là d'un point de vue simplement politique, qui a été chassé après la défaite de la Montagne Blanche, hein, la défaite des protestants, il a été obligé de fuir en Pologne et ensuite il s'est retrouvé en Angleterre. Et en Angleterre, il avait toutes ses idées, il avait toutes sortes d'idées politiques, il était la première personne à se dire citoyen du monde, par exemple, hein, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et toutes ces idées humanistes que détenait Comenius À l'époque, en Angleterre, il a trouvé des appuis, des amis. Et ils ont commencé à les appliquer, c'est-à-dire que ces idées pédagogiques ont commencé à être appliquées dans les écoles, et il est étroitement mêlé à l'origine de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que, en fait, la franc-maçonnerie aurait une double origine, une origine compagnonique avec les rituels, une origine humaniste, à travers justement les idées de la Rose-Croix transmises par Comenius. Alors, quel genre de méthode pédagogique avait-il Par exemple, plutôt que de lire la Bible, il disait qu'il faut mieux se promener dans la nature. C'est donc il emmenait par exemple ses élèves se promener dans la nature. Il disait que la nature était plus riche d'enseignements que l'étude de l'Ancien Testament. Il avait une autre idée aussi qui est très intéressante et que l'on pourrait appliquer même à notre époque. Il disait pas d'intellectuel pur. C'est-à-dire pour lui les intellectuels purs c'était négatif. Dans les universités il proposait que tous les étudiants exercent en même temps un métier manuel. C'est-à-dire que la personne soit complète, soit à la fois manuelle et intellectuelle. Voilà. Et je trouve que c'est des idées... Ce qui était novateur pour l'époque. C'était tout à fait novateur pour l'époque, oui, bien sûr. Et ça commençait à être appliqué. Voilà, c'est ça, un homme accompli qui était à la fois manuel et intellectuel. Alors comment, d'après vous, ces idées rosicruciennes ont-elles pu... survivre dans en franc-maçonnerie, par exemple. Eh bien, elles auraient survécu à l'époque. À un moment donné, la maçonnerie opérative est devenue une maçonnerie spéculative, c'est-à-dire une maçonnerie de métier a cessé d'être une maçonnerie de métier, c'est-à-dire liée à un métier particulier, et qu'ils ont commencé à admettre dans leurs réunions compagnoniques ou de corporations des personnes qui n'appartenaient pas au métier, qui étaient là en quelque sorte des personnages importants en général. De la ville, des bienfaiteurs. Des bienfaiteurs, des gens de la ville. Exactement. Oui, oui. Et petit à petit, la franc-maçonnerie d'opérative, elle est devenue spéculative. Et en même temps, se sont introduites à l'intérieur donc de ces réunions compagnoniques des idées humanistes qui venaient de la Rose-Croix à travers précisément Comenius. Et là, on a des traces très précises de cette origine, en quelque sorte, rosicrucienne de certaines idées qui, après, ont imprégné la maçonnerie. Et on sait que la maçonnerie a véhiculé beaucoup d'idées humanistes. Ça a été le véhicule d'idées humanistes, ensuite, lorsqu'elle est arrivée en France, puis en Allemagne, etc. Alors, pour conclure sur le rosicrucianisme, y a-t-il encore des sociétés rosicruciennes en France, oui, et quelles sont leurs actions aujourd'hui, au XXIe siècle, en quelques mots? Effectivement, cette idée de la Rose-Croix, elle a séduit beaucoup de monde. Et ensuite, il y a eu tout le long du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et du XXe siècle, des gens qui se sont réclamés de la Rose-Croix. Mais il est évident qu'ils ne se rattachaient pas à cette Rose-Croix originelle du XVIIe siècle, qui était simplement constituée de quelques amis qui s'étaient réunis autour du personnage mythique de Christian Rosenkreuz. C'était des gens, cette association de la croix et de la rose et de la croix a séduit beaucoup de monde, mais qui n'avait, qui était beaucoup plus. Ce que je dis, c'est que le mythe est devenu. On est passé du mythe à la mythomanie, quoi. Voilà, c'est du mythe à la mythomanie. Oui, oui. Parce que ce qui est fascinant, vraiment fascinant chez les Rose-Croix, c'est qu'ils ne s'en sont jamais cachés. Ils ont créé ex nihilo une société secrète. Une société secrète aujourd'hui, ou une société de compagnonnage ou de transmission de savoir, c'est souvent héritier d'une longue tradition. Là, les gars ont vraiment voulu créer quelque chose, sans jamais s'en cacher. Donc, vous voulez dire, ça a pris. Sans tradition, ils bien surpris sans de transmission voir. Du passé, ils ont créé ex nihilo. Voilà, il parce semblerait, que ce sont des faux. Ils ont créé des faux. Oui. Mais la confession et puis. Voilà, mais sans jamais s'en cacher. Alors. C'est une blague de potage qui a bien tourné finalement. Non, ce serait quand même dénigré peut-être un peu vite, parce qu'il y avait, il y a ce côté-là, Et puis, c'était aussi. Il y avait sans doute autre chose. Il ne se doutait pas que Comenius, bien sûr, allait soutenir une partie des idées. Oui. Mais on est vraiment dans la création, presque effectivement blague de potache. Et il serait très surpris de voir comment. Parce que les Rose-Croix, ça, ça a pris. On avait l'impression que pour tous ceux qui sont fascinés, et ils ne cessent d'être toujours plus nombreux, on est tous fascinés par les sociétés secrètes, on a l'impression que les Templiers, c'est fini, francs-maçons, c'est plus ce que c'était. Il fallait autre chose. On s'est emparé des Rose-Croix dans le domaine de l'élucubration, dans pas mal de petits groupuscules qui se réclament des Rose-Croix. Par contre, si ça a survécu aussi bien, c'est que effectivement, il y a eu ce moment de la réforme contre réforme, donc ça a quand même ébranlé la spiritualité européenne. Hein, et à chaque fois dans l'histoire des sociétés, on voit que c'est quand une certaine spiritualité ou quand la religion est malmenée que les sociétés secrètes vont avoir un regain. Et au XVIIIe siècle, c'est très prenant, le siècle des Lumières est celui d'une grande fascination pour le magnétisme, Mesmer, etc., Swedenborg. Et les thèses des Rose-Croix, c'est au XIXe que beaucoup, les mouvements spirites qui éclatent dans toutes sortes de branches plus ou moins sérieuses. Et à chaque fois, on prend des Rose-Croix, parce que les mouvements spirites, théosophiques, du XIXe siècle, ont une particularité, je crois, c'est de faire feu de toutes pièces et d'essayer de pigacher un petit peu à droite, à gauche. Et donc, à chaque fois, on a pris de la Rose-Croix. Alors, est-ce qu'il y a une esthétique de l'emblème, la rose et la croix, je ne sais pas, mais ça a marché, si je puis me permettre, du feu de Dieu. Hein, ça a vraiment... Et ça fascine encore et toujours. Et ceux qui veulent s'intéresser à ça, dans les librairies qui se consacrent à un ésotérisme de mauvaise aloi, comme sur Internet, on trouve les Rose-Croix partout, et il me semble que le dernier Dan Brown est en partie consacré à ça. Non, je ne sais pas sûr. Le dernier, c'est la franc-maçonnerie. Alors, il doit y en avoir un quand même où il y a les Rose-Croix. Parce que des sociétés rosicruciennes, il y en a eu des centaines. Oui. C'était, mais ceci dit, sur la blague de potache, Valentin Andrea quand même a dit par la suite que c'était un ludibrium, c'est-à-dire un amusement. Hein, donc il y a un côté blague de potache, effectivement, à l'origine. Mais sinon, oui, actuellement, et au XVIIIe siècle déjà, il y avait des gens, le Forestier raconte justement dans son gros ouvrage, là, comment il y avait un prince, des escrocs qui s'étaient fait passer pour des Rose-Croix, qui avaient eu touché énormément d'argent d'un prince parce qu'il disait avoir été en contact avec des Rose-Croix. Oui, Cagliostro se réclamait aussi. On aura l'occasion peut-être de reparler de tout cela. Je vous remercie.